contrebasse et double basse. On retrouve cette fois précisément le duo Jérôme Bertrand Moussidir ici en studio pour nous faire une petite proposition live précisément. Rencontre, écoute, les deux double basses sont en place, Jérôme et Mousse sont prêts. On laisse place au direct et au live sur le 895 de Duo. Before the Rain, et là on fait suivre avec un morceau qui s'appelle Lazy Day. Thank you. fait suivre avec Funambule. Messieurs, Jérôme et Mousse Idir, Jérôme Bertrand et Mousse Idir, en direct sur le 895 de Duo dans ce programme des sons sensibles, dans le cadre aussi de notre Radio Live Festival. Joins-toi à la transe.